Chapitre 42. Coruscant. La chancelière Lina So réfléchit à la pertinence de son choix, songeant à tout ce qui avait été dévoilé et perdu lors de ces dernières semaines. Dans son bureau de Coruscant, accompagnée de Matari et de Vorou, elle fixait avec eux la vaste baie vitrée située derrière son secrétaire et observait l'infini paysage urbain qui s'étendait au-delà. Elle ignorait ce que la vue inspirait au Targon, mais pour elle, l'horizon hérissé d'immeubles évoquait une version miniaturisée de la République. Toujours en mouvement, toujours changeant et évoluant, d'une profondeur et d'une étrangeté immense, infinie. À cet instant, le soleil se couchait et les lumières s'allumaient une à une dans les bâtiments, comme les étoiles au firmament. Les mondes de la République. Ouais, elle faisait le bon choix. Lina se détourna de la ville-monde pour considérer le groupe qu'elle avait convoqué dans son bureau, le même que celui qu'elle avait rencontré sur la place des monuments au tout début de l'affaire. Un sénateur, un amiral, un secrétaire et, comme toujours, des Jedi. Les Jedi se montraient toujours serviables et utiles, résolvant tous les problèmes qu'on leur soumettait et un bon nombre de ceux qu'on ne leur soumettait pas. Sans leur aide, on n'aurait assurément pas démêlé le mystère du Legacy Run aussi vite et de façon si décisive. Beaucoup étaient morts en se portant au secours de la République, et parmi eux Maître Jorah Mali, censé diriger le temple de l'ordre du flambeau stellaire. Ils avaient fait des sacrifices, s'étaient battus et avaient triomphé, comme ils semblaient toujours le faire. Elle aimait beaucoup les Jedi. Mais parfois elle se demandait s'ils n'étaient pas trop utiles. « Je vais rouvrir la bordure extérieure », annonça la chancelière So. Elle désigna son assistant, Norel Kuo, dont la peau pâle se teintait d'orange sous les rayons du couchant. « Faites immédiatement une déclaration en ce sens. Le voyage hyperspatial à travers les territoires est de nouveau autorisé. Je vais promulguer plusieurs décrets destinés à alléger les taxes sur ces routes commerciales afin d'aider à réduire les dégâts économiques de la quarantaine. Mais la mesure se limitera à un mois environ, afin d'inciter les marchands à y faire transiter leurs biens au plus vite, ce qui devrait juguler les pénuries. » Un coup d'œil en direction de son secrétaire des transports. « Avez-vous quelque chose à y redire, secrétaire Lorillia ?»« Non, » répondit l'intéressé. « Le seul écueil potentiel réside dans une pénurie de navires droïdes à cause du dispositif de Kevantar sur Etzal. Mais nous pouvons sans doute tous convenir du fait que la dépense en valait la peine. J'ai déjà demandé aux fabricants d'accélérer la production. Peut-être pourrions-nous mettre en place une mesure avantageuse pour eux aussi, au moins jusqu'à un réapprovisionnement décent. » Nous trouverons bien quelque chose. Mais c'est une bonne nouvelle. Et en parlant de Tar, je sais qu'il a produit un rapport consacré aux autres usages potentiels de sa batterie de droïdes avant de partir travailler pour les Santeca. L'avez-vous lu ? Absolument, chancelière. De brillantes idées. Il pourrait révolutionner les voyages hyperspatiaux et même avoir des applications dans l'espace réel si nous arrivons à effectuer les calculs sans passer par des dizaines de milliers de droïdes rares et onéreux. Tenez-moi au courant, Jeffo. Nous avons peut-être trouvé là une autre grande œuvre. Et naturellement, essayez de trouver un moyen de remercier Kevantar. Une médaille ou quelque chose de ce genre. Un poste prestigieux dans l'une des universités de la République peut-être. Ou un travail, si vous en dénichez un capable de l'intéresser sur le long terme. Je déteste voir un cerveau de ce genre se tourner vers l'industrie privée alors qu'il y a tant à faire dans la République. J'y réfléchirai, répondit le secrétaire. Elle reporta son attention sur le sénateur Nour, dont le visage s'était éclairé lorsqu'elle avait parlé de rouvrir la bordure extérieure, et qui avait conservé cette attitude réjouie pendant toute sa conversation avec Lorillia. « Izette, à titre personnel, dit Lina, j'ai bien conscience de l'épreuve que viennent de traverser les mondes que vous représentez. J'apprécie votre patience et la leur. J'espère que vous comprenez bien que tout ce que nous avons mis en œuvre était indispensable pour la sécurité et la sûreté de la République. » Il lui adressa un hochement de tête grave et digne. « Naturellement, chancelière. Je n'ai jamais pensé le contraire. » Voilà plusieurs décennies que l'Inasso avait appris à ne pas afficher ses émotions sur son visage. C'était une politicienne née. Mais en son fort intérieur, elle roulait tellement des yeux qu'elle aurait pu fixer le soleil couchant de Coruscant à travers la baie vitrée dans son dos. Nour se tourna vers sa conseillère, debout derrière son siège, un datapad à la main. « Je vais également faire un discours, Ouattaro. Nous allons devoir remercier les mondes pour leur patience et leur faire savoir que nous avons éradiqué la menace des Nils. Il faudrait prévoir une tournée de visite. Je pense que nous commencerons par Hetzal, Abdalis et Eriadu, les planètes les plus gravement touchées par les émergences, avant de passer à... Sénateur, si vous le permettez. » L'amiral Cronara avait levé la main. Le sénateur Nour le regarda sans dissimuler son agacement d'avoir été interrompu par un militaire. « Amiral, nous ne sommes pas certains que les Nils aient disparu. J'ai lu votre rapport, Cronara. Votre unité a détruit des centaines de leurs vaisseaux lors de la bataille. Vous avez trouvé toute leur flotte et vous l'avez anéantie. Nous n'avons pas subi le moindre pillage depuis. S'il ne s'agit pas d'une preuve, je ne sais pas ce que c'est. Sénateur, avec tout mon respect, je crois que vous avez vu dans ce rapport ce que vous vouliez bien y voir. » Je vous confirme que nous avons détruit une troupe de Nils considérable, mais pour le moment nous n'avons pas appris grand-chose de leurs opérations. Nous savons qu'ils utilisaient des méthodes de voyage hyperspatiales que nous ne comprenons toujours pas, mais nous ignorons d'où elles leur venaient, combien ils étaient, où ils avaient établi leur base, et si leurs objectifs se limitaient au pillage. Il haussa les épaules. « Vous pouvez dire ce que vous voudrez dans votre discours, » poursuivit-il. « Ce n'est pas mon problème. » Mais si les Nils n'ont pas disparu et recommencent à s'en prendre au monde de la bordure extérieure, vous n'aurez pas l'air bien malin après avoir annoncé à vos électeurs qu'ils n'avaient plus rien à craindre. La chancelière So appréciait énormément cet échange. Le sénateur Nour beaucoup moins. Il se retourna vers sa conseillère. Modifiez la formule dans ce cas. Contentez-vous d'annoncer que nous avons fait d'énormes progrès dans notre entreprise visant à rendre les territoires de la bordure extérieure sûrs et sans danger, et que nous accueillons à bras ouverts la paix et la prospérité qui nous attendent dans les mois et les années à venir. Vous savez ce que vous devriez mentionner également, sénateur ? Intervint la chancelière So. Le sénateur Nour haussa un sourcil. Le flambeau stellaire. Il va ouvrir dans les délais. Je viens de recevoir un rapport de Shai Tenem. Si les Nils n'ont pas disparu ou si quelque chose d'autre se produit là-bas, le flambeau stellaire participera à la gestion de la crise. Et la présence de l'autorité de la République qu'il incarne facilitera d'autant la négociation des accords de paix entre Quaren et Mon Calamari, songea-t-elle. De plus, le flambeau lui-même servira de relais de communication pour accroître la fiabilité des transmissions dans la région et tiendra lieu d'élément central au reste du réseau d'information. Et une fois que les habitants en auront constaté l'efficacité, voter l'autorisation d'autres stations semblables ne sera plus qu'une formalité. Ces grandes œuvres se mettaient en place une par une. La République ne se limitait pas à un seul monde. Elle en englobait beaucoup, tous uniques à leur façon. Résoudre un problème en causait inévitablement d'autres. Il existait d'insolubles conflits culturels, historiques, économiques et militaires entre les habitants des diverses planètes. On y trouvait des seigneurs de guerre, des agitateurs et des mécontents, ainsi que d'autres adversaires plus délicats à gérer. Des épidémies, d'étranges factions magiques installées sur des mondes secrets et convaincues qu'elles devaient conquérir la galaxie, et, oui, même des anomalies hyperspatiales. Mais la solution était la suivante. La chancelière So en était intimement persuadée et en avait fait la clé de voûte de sa façon de gouverner. On ne pouvait pas résoudre ces problèmes individuellement. Ce genre de tentative confinait au ridicule. Ce que l'on pouvait faire, au contraire, consistait à amener les différents peuples de cette haute époque de la République galactique à considérer les autres comme leurs semblables. Comme des frères et sœurs, des cousins, des amis, ou au moins comme des collègues dans l'entreprise commune qui visait à bâtir une galaxie accueillante pour tous, à l'écoute de tous, et qui faisait de son mieux pour éviter de nuire à quiconque, ou du moins qui s'efforçait sincèrement de faire de son mieux. Si l'on y parvenait, plus besoin de s'atteler à la résolution des problèmes. Beaucoup se régleraient d'eux-mêmes, parce que les gens croiraient en la République davantage qu'en leurs propres objectifs et s'ouvriraient à ce terme magique, Le compromis. Ce jour merveilleux n'était pas encore arrivé. Pas tout à fait. Et peut-être l'attendrait-on éternellement. Mais elle y consacrerait ses efforts chaque heure de chaque jour où elle conserverait son poste. Tout ce qu'elle voulait, au bout du compte, c'était que 5 mots survivent à son mandat, voire qu'ils lui survivent à elle, tout simplement. Les mots qui étaient déjà devenus emblématiques de ses grandes œuvres, et bien davantage encore. Chaque fois qu'elle les entendait, il lui réchauffait le cœur. Tel était l'objectif, une idée, un sentiment. Elle pouvait y arriver, tout le monde le pouvait. La chancelière Sceaux savait que c'était vrai. 5 mots. Nous sommes tous la République.